moi. Avec mes jours de frayeur et mes moments de foi, je suis cet être mené qui tombe au combat. Soldat têtu qui jamais ne baisse les bras. Je perds mes routes comme on noie son destin. Mais même dans mes doutes, je ne lâche pas ta main. Cet enfant qui a souvent si froid, mais qui croit fermement en la chaleur de ton bras. Hello.